Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez bien sûr Futur Simple. Et on va faire maintenant un grand saut dans le passé avec Marie-Claude Dionne, notre spécialiste en archéologie. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors Marie-Claude, tu nous parles aujourd'hui d'une étrange histoire, une découverte archéologique, mais une découverte qui n'en fut pas une, celle de l'homme de Piltdown. Oui, c'est exact. Donc, il y a 60 ans, le Times publiait un article recueillant toutes les preuves accumulées, démontrant que l'homme de Piltdown n'était en fait qu'un canular monté de toutes pièces par un auteur inconnu. En plus. Ce canular avait perduré même pendant plus de 45 ans, ce qui n'est pas rien. Oui. Il y a quelques semaines, Philippe Rioux, lors de ma dernière chronique, m'a demandé s'il était possible pour les archéologues de trouver des choses plutôt saugrenues sur des sites archéologiques. Mais là, je me suis dit, oui. Ça t'a fait penser, hein? Ça existe. Ouais. Il y a des trucs qui se sont passés. En fait, je pouvais pas m'aventurer sur le sujet alors, mais aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais me pencher sur l'homme de Piltdown, entre autres, et aussi d'autres petites histoires là, semblables qui touchent l'archéologie. Mm-hmm. Et parfois, les rumeurs qui sont perpétrées se propagent si facilement qu'elles donnent lieu à des canulars qui se maintiennent et se poursuivent sans avoir de bien fondé. Ouais. Est-ce que c'est pas le cas de la malédiction du pharaon? Oui, c'est exact. C'est un petit quelque chose que des fois on entend parler, la malédiction des pharaons. En fait, elle est associée, entre autres, à Toutankhamon. Puis c'est une malédiction qui a été propagée par les médias, en fait. Il s'agit d'une légende qui a pris naissance au début du 20e siècle, en même temps que la découverte du tombeau du jeune pharaon Toutankhamon par l'archéologue Howard Carter. Tout a commencé par la mort du canari de l'archéologue Carter. Le canari meurt envalé par un cobra. Bon. Et là, les travailleurs sur le site archéologique, qui sont des gens locaux, ils voient un mauvais présage. Pour eux, le serpent, c'est un protecteur des pharaons. Et là, après quelques mois de l'ouverture de la tombe du pharaon, le commanditaire des fouilles archéologiques, George Herbert, aussi connu sous le nom de Lord Carnarvon, il tombe malade et meurt rapidement. Ah oui, donc là, c'est comme si c'était une confirmation du mauvais présage. Exactement, oui. Et comment commence donc la propagande liée à cette soi-disant malédiction? En fait, c'est la presse qui prend tout le crédit. C'est qu'elle est au courant de la mort curieuse du canari. Et après, elle voit en la mort de Lord Carnarvon, la première victime humaine d'une malédiction. Ouais. Les journalistes arrivent après quelques années, après 12 ans, à une liste de plus de 27 personnes proches plus ou moins de l'expédition archéologique, toutes mortes de causes plutôt bizarres. Ils ont fait une recherche quand même spécialement là-dessus. Là. Exactement, c'était un peu trop saugrenu. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Et ils en ont un peu rajouté aussi, bien entendu. Mais en plus, il y a des auteurs, des grands auteurs de l'époque qui vont propager le mythe. On a Arthur Conan Doyle qui a écrit les Sherlock Holmes, qui est aussi un adepte du spiritisme. Et donc, selon lui, il dit que la malédiction serait provoquée par les sorts magiques jetés par les prêtres de l'époque. Les prêtres de l'Égypte pharaonique pour protéger les tombeaux, les sépultures des rois. En plus, on a Agatha Christie qui s'inspire aussi de toute cette histoire-là dès 1923 pour écrire son roman L'aventure du tombeau égyptien. Oui, donc effectivement, ça a dû propager la chose, mais il y avait quand même, tu disais, 27 morts, je crois, bon, qui étaient morts dans des circonstances peut-être un peu curieuses, un peu nébuleuses. Est-ce qu'on a fait un lien quand même, parce qu'il y a quand même un fait, il y a ces 27 morts, donc est-ce qu'on a fait un lien entre tous ces morts? Pourquoi ils sont morts? On s'est longtemps penché sur la question, puis on a réalisé que la plupart de ces gens-là étaient morts d'une pneumonie, qui est quand même assez banale, là. Oui, surtout qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, oui, quand même. Exactement, qui était commun quand c'était pas traité, mais on pouvait bien en mourir. Et là, on s'est penché sur la description, sur les écrits de l'archéologue de Howard Carter. Et il décrit la tombe de Toutankhamon comme étant humide, ce qui est tout à fait normal. Il parle aussi de la présence de cultures de champignons qui apparaissent sur les murs sur les murs de la chambre funéraire du pharaon, donc de la tombe. En fait, on croit que les véritables coupables seraient des substances organiques comme des fruits et des légumes présentes à l'intérieur de la tombe. Ces produits-là étaient introduits dans la tombe des pharaons de façon courante. Ils servaient en fait de nourriture pour le roi après sa mort pendant son voyage vers l'éternité. Et donc, une fois décomposée, cette nourriture-là se transforme en moisissure et qui, elle aussi, avec le temps, parce qu'on parle quand même de 4000 ans, va se décomposer en particules de poussière organique qui sont fortement allergènes et qui peuvent causer là, des pneumonies. Ouais, puis donc c'est ça. C'est pour ça, parce que je me disais, bon, ben, les fruits, il y a longtemps qu'ils sont pourris, ils n'existent plus, ils ont été déposés là il y avait des millénaires. Très, très longtemps. Mais ça a moisi ensuite et cet état-là s'est perduré jusqu'à l'ouverture du... Exactement, vu que la tombe n'avait jamais été ouverte avant vraiment sa découverte. Bon, alors donc voilà la malédiction du pharaon démystifié, mais tu parlais aussi de l'homme de Piltdown. Donc, c'est qui cet homme-là? Ah, ben, ça, c'est vraiment intéressant. Il s'agit en fait d'un fossile que l'on a daté initialement du paléolithique inférieur. Donc, c'est la période qu'on appelle aussi Acheulien. En fait, cette période-là, c'est à peu près là, un demi-million d'années là, en montant. Donc, c'est vraiment une très vieille période où ce que les humains ou les proto-humains existait. Et là, ce fossile-là a été considéré dès le début du 20e siècle comme le chaînon manquant entre le singe et les hommes par ses caractères à la fois simiens et humains. Ces fragments d'os-là, composés d'une partie d'un crâne et un os de la mâchoire, auraient été recueillis en 1912 dans un lieu qui s'appelle Piltdown, qui est en Angleterre. Et l'homme qui découvrit les restes, c'est le collectionneur Charles Dawson, donnant le nom latin Eanthropus Dawsoni aux restes fossilisés. Donc ça remonte il y a longtemps, je sais plus combien de millions d'années t'as dit là. Au moins un demi-million. Au moins un demi-million, voilà. Donc c'est pas mal vieux. Mais comment on a daté ces vestiges à l'époque de la découverte? On commence par, en fait, Dawson, qui est un géologue, il connaît, il a une bonne base sur les connaissances de la stratigraphie et il s'aperçoit que proche de chez lui, à Piltdown, la route, elle est réparée par un gravier, un remblai de gravier qui est plutôt rougeâtre. Et pour lui, il fait un lien. Il croit que ce gravier-là peut être susceptible d'être fossilifère. Donc, il peut posséder des fossiles. Donc, les ossements qui ont été trouvés étaient usés et rougeur, donc contemporain à cet ancien gravier-là, même si les traits du crâne étaient quand même... ils portaient à une datation beaucoup plus récente que ce qu'on lui donnait. Mais pour appuyer cette datation ancienne-là, c'est qu'on a trouvé aussi des fossiles d'animaux au même endroit, comme des dents d'éléphant et d'hippopotame. C'est ça. C'est pas commun. Ça marche pas. Aujourd'hui. Et ils étaient de la même couleur. Donc, ça suggérait vraiment d'avoir une même âge, donc, à peu près d'1,5 million d'années. Faut se rappeler qu'à l'époque, les datations radiométriques sont pas communes, voire pas connues non plus. Et on se fiait plutôt au principe de la stratigraphie qui est, ce qui se retrouve dans la même couche et de la même année. Okay. Et plus qu'on va loin dans la Terre, plus que c'est vieux. Ouais, ok. Donc, et au moment de l'annonce de cette découverte, est-ce qu'il n'y a pas eu de doute? Il n'y en a pas eu qui ont dit, ben oui, mais le crâne, il n'a pas l'air si singe que ça. Il n'y a pas eu de doute? Ah oui. C'est les anthropologues, disons, les plus aguerris reconnaissaient bien les traits simiens, donc les traits qui se rapportent au singe de la mâchoire, en fait, parce que le crâne était vraiment humain. Ce qui clochait tout de même là, dans la présence de la mâchoire, c'était qu'il y avait des molaires plates qui sont communes chez les humains mais inconnues chez le singe. Donc les Français se sont longtemps rattachés à la pensée de Marcelin Boule, qui est un paléontologue qui travaillait au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui disait que les deux fragments d'os ne provenaient pas du même spécimen. Il y a même le paléoanthropologue allemand Weiderreich qui signala qu'il s'agissait bien d'un crâne humain et d'une mâchoire d'orang-outan. Mais donc, il y avait un doute qui existait chez certains. Chez certains. Parce qu'il n'y a personne vraiment qui voulait non plus y croire à 100%. Parce que quelques années après, on a trouvé la même combinaison. On a trouvé un crâne, encore une fois, et une dent de singe usée à quelques kilomètres de l'endroit où on avait trouvé la première découverte. Qu'en fait, on se disait que ça ne pouvait pas relever du hasard. Et cette nouvelle association-là, a contribué à convaincre les gens, autant les Américains, et même que ça a semé le doute chez les chercheurs français. Bon, puis les gens acceptaient finalement cette histoire-là, la prenaient pour vraie, et finalement il y a eu la démêlée, on a su que c'est pas vrai, mais comment l'histoire s'est démêlée, comment toute cette histoire s'est démystifiée? Tout d'abord, les vestiges étaient jalousement conservés, c'était caché dans des coffres au Muséum d'histoire naturelle de Grande-Bretagne. Mais il y a un anthropologue qui travaillait, un certain Oakley, qui éventuellement a pu avoir accès en 1949 à ces vestiges-là. Et là, à l'époque, on a une nouvelle technologie de datation au fluor. Et ça l'a permis de voir que les ossements n'avaient pas le même taux de fluor que les dents d'éléphant. Donc, pas dans les mêmes années. Et on a vérifié, l'homme de Piltdown avait tout au plus 40 000 ans. Donc, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on espérait. Pour avoir l'appellation de chaînon manquant en tant que tel, c'est qu'on devait, on devait reculer d'au moins un demi-million d'années. Il y a d'autres indices qui apparaissent, qui va semer le doute aussi, c'est que la région, on a réalisé que la région de Piltdown ne possédait aucun dépôt du Pliocène. Donc, c'est vraiment pas dans les mêmes années de qui aurait pu avoir le lien avec les hommes, le chaînon manquant, en fait. On a aussi vu que la différence d'épaisseur entre le crâne et la mâchoire, elle est trop large comme différence. On voit pas ça chez l'humain ni chez les primates non plus. Et sous la patine, qui est le changement de couleur, le changement de texture des objets à travers le temps, on a découvert que la dentine, elle était blanche, comme sur des dents qui étaient plutôt récentes. Et là, quelques années après, en 1959, on a la datation carbone 14 qui est beaucoup plus précise que celle du fluor. Puis on fait des tests sur ces vestiges osseux-là et on a découvert que le crâne datait du Moyen Âge seulement. Et là, on réalise aussi, en même temps, que les dents d'éléphant qu'on avait trouvées venaient de la Tunisie et non pas d'Angleterre, et l'hippopotame venait de Malte. Donc là, on a beaucoup de preuves qui s'accumulent contre l'homme de Piltdown, et le Muséum d'histoire naturelle de Grande-Bretagne a pas eu le choix de reconnaître que, ben, c'était sinon une supercherie. Sinon, il perdait sa crédibilité, sinon. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il en est de l'auteur? Du canular, là, moi, c'est ce qui est un peu dommage, ou, ben, je dis que c'est dommage, je l'ai peut-être pas, on connaît pas l'auteur de... Il y a personne qui s'est mis de l'avant pour dire que... Il y a un petit mystère qui persiste. Exactement. Donc, l'identité est toujours incertaine. Bon, il y a plusieurs noms qui ont plané aussi. On a dit que Dawson pouvait être l'auteur aussi de ce canular-là, autant que son ami compatriote, le Teilhard de Chardin. Mais en fait, on a même donner le blâme un peu à Arthur Conan Doyle, que je parlais plus tôt sur ses livres, parce qu'à l'époque, il habitait la région, il connaissait même personnellement Dawson, et il travaillait sur son roman Le Monde Perdu. Donc, il était penché sur des sujets par rapport à la préhistoire. Puis, il faut savoir aussi que Monsieur Doyle était un blagueur, un farceur, sauf qu'il y a plusieurs gens qui disent que c'est pas, ça peut pas être le cas, parce que la supercherie, Monsieur Doyle aurait dit non. Après quelque temps, aurait avoué ses torts. Et donc, le canular de Piltdown est probablement le plus célèbre des canulars archéologiques à avoir été perpétré. Il est important pour plusieurs raisons. Il y a l'attention qui a été portée au niveau de la science sur la question de l'évolution humaine. Plusieurs personnes voulaient vraiment répondre à ce chaînon manquant-là. Mais il y a aussi la durée. On a passé plus de 40 ans de la découverte jusqu'à l'exposition comme étant un faux. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention maintenant. Ouais. C'est ce qu'on fait aussi. Ouais. Ben, effectivement. Puis on peut se demander aussi peut-être quel autre canular en archéologie, mais aussi dans d'autres disciplines peut-être, sont en circulation en ce moment. Oui, ça se peut qu'il y en ait beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude. On va partir rapidement en pause musicale sur CKRL au 89.1, mais restez avec nous parce qu'après, on vous parle des arbres qui se parlent.